Compréhension de l'écrit. Les quatre saisons. En France, il y a quatre saisons. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Pendant l'hiver, il fait froid. Parfois, il neige et la terre est toute blanche. Il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Au printemps, il fait beau et frais. Le ciel est bleu. Il y a des fleurs partout et les oiseaux gazouillent. En été, le temps est beau. C'est une saison chaude. Le soleil brille. Les jours sont longs. Les gens vont à la mer pour nager. En automne, il y a du vent et le ciel est gris. Les feuilles des arbres tombent. Il pleut souvent. L'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Les saisons. Copie les mots. L'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Le sport. Complète en suivant l'exemple. Exemple. On joue au tennis, au basketball, au football, au volleyball. Le sport. Copie correctement. Faire du patinage sur glace. Faire du vélo. Faire de la gymnastique. Faire de la boxe. Le sport. Copie correctement. La natation. Le ski. L'équitation. Les nombres. Écris correctement les nombres en chiffres et en lettres. 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60. Grammaire. La forme négative. Règle. À la forme négative, le verbe conjugué au présent se place entre les deux mots, formant ainsi l'adverbe de négation. Ne, pas. Exemple. Est-ce que tu parles en classe? Non, je ne parle pas en classe. La forme négative, ne pas, complète par le mot froid puis réponds. Est-ce que tu as... Non.